jeu de la rue, c'est un sport d'équipe. Cheer, trap game, c'est un sport d'équipe. Cheer, oui man, ok. Hey yo, SP, bien ou quoi? Hey yo, tu portes à croire que le rap est un sport d'équipe. Quand je sors mes cris, je me sens plus fort contre ces porcs épiques en uniforme qui pique lorsque mes potes bougent de façon bordélique sans la vibe. C'est Wayman et son corps d'élite, telle une vague déferlante sur le hip hop. Mon style fuck, même quand je rappe sur Big Box, mes b-boys me soutiennent. Je lance un big up à tous mes scars-là, fonce derrière mon pick-up. Chez nous y'a pas de link-up que des pickpockets qui deal racket. Le flou sous la paire de shoes, des petites tapettes. En cas d'embrouille, devine qui rapplique. Des types massifs, prêts à tout pour moi, juste parce qu'ils kiffent ma zik. Du bon son brut à l'ancienne, style Ilmarik ou style Marik. MC Bogos au style Magic, l'énigmatique. V'là comme ils m'appellent tous lorsqu'ils m'écoutent dans la street pendant leur big traffic. Tragique serait ma life si aujourd'hui je vivais sans les miens. Je serais sûrement un chien dans une benne, dénouant mes liens. À croire que la vie n'a de sens que la vivant comprenne ses sujets. Sinon t'auras vite fait de te faire gruger. Il marche avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort et t'ouvre les yeux quand t'es face à l'envers du décor. Dans le besoin, v'là comment certains s'en sortent, tandis que d'autres sont souvent seuls face à leur sort. Yeah, yeah. Le jeu de la rue c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers des écorchés vides. Là où des jeunes traînent toujours en bande pour tuer le temps et partager des fous rires même quand l'espoir s'éclipse. Yeah, le jeu de la rue c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers où les porcs crépillent. Corps sur le beat, rap game hors limite. Wayman et SP, sport d'équipe. Qui a dit que seul on peut tout péter? Gros, je viens pas prêcher. Visionnaire, pas besoin de me presser. On veut des plaques et s'engraisser. L'état, on vient stresser. Seul tu finiras si l'achète gars, tu veux presser. Comme d'hab, j'ai ma team s'il y a contact. SP, t'as kiffé ma rime, sors les contrats. Tous la racontent grave, veulent jouer les Tony. Sous coke dans un bolide, crois solide, c'est horrible. We ballin' comme Jim Jones. Tous ouf dans leur son, mais sous la pression, le jean jaune. Pas dit qu'on reste des boucs de la street, nigga. Le cœur vers l'Afrique, au mic, vérité stricte. 9-4, l'union fait la force. Baisse ce bise à la manière forte, bonhomme jusqu'au Air Force. Déterre dès la première strophe, pour les banlieues limitrophes. Ça crache sur les procs et les profs. J'ai mis ma rage dans mes couplets. Pris du poids pour mieux accueillir la gloire et ses coups de traite. C'est hip-hop, trouve ma zig sur des bootlegs. Toujours au top, mais jamais à l'abri d'un coup de pelle. Vrai, je te serai jusqu'au deuil. Faut que je m'arrache dans ce gel. Nique ta race si tu jettes l'œil. Pour les thugs et les cassos, c'est œil pour œil, dent pour dent, bastos pour bastos. Yeah, yeah. Le jeu de la rue, c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers des écorchés vides. Là où des jeunes traînent toujours en bande pour tuer le temps et partager des fous rires, même quand l'espoir s'éclipse. Yeah, le jeu de la rue, c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers où les porcs crépillent. Corps sur le beat, rap game hors limite. Wayman et SP, sport d'équipe. Yeah, yeah. Le jeu de la rue, c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers des écorchés vides. Là où des jeunes traînent toujours en bande pour tuer le temps et partager des fous rires, même quand l'espoir s'éclipse. Yeah, le jeu de la rue, c'est un sport d'équipe. Bienvenue dans l'univers où les porcs crépillent. Corps sur le beat, rap game hors limite. Wayman et SP, sport d'équipe. Yeah.